Voici maintenant le début de la quatrième provinciale. Quatrième lettre, écrite à un provincial par un de ses amis. De Paris, le 25 février 1656. Monsieur, il n'est rien tel que les jésuites. J'ai bien vu des jacobins, des docteurs et de toutes sortes de gens. Mais une pareille visite manquait à mon instruction. Les autres ne font que les copier. Les choses valent toujours mieux dans leur source. J'en ai donc vu un des plus habiles, et j'étais accompagné de mon fidèle janséniste qui fut avec moi aux Jacobins. Et comme je souhaitais particulièrement d'être éclairci sur le sujet d'un différend qu'ils ont avec les jansénistes, touchant ce qu'ils appellent la grâce actuelle, je dis à ce bon père que je lui serais fort obligé s'il voulait m'en instruire, que je ne savais pas seulement ce que ce terme signifiait, et je le priai de me l'expliquer. « Très volontiers, me dit-il, car j'aime les gens curieux. En voici la définition. Nous appelons, ouvrez les guillemets, grâce actuelle, une inspiration de Dieu par laquelle il nous fait connaître sa volonté et par laquelle il nous excite à la vouloir accomplir. » Fermez les guillemets. « Et en quoi, lui dis-je, êtes-vous en dispute avec les jansénistes sur ce sujet ?» C'est, me répondit-il, en ce que nous voulons que Dieu donne des grâces actuelles à tous les hommes, à chaque tentation. Parce que nous soutenons que si l'on n'avait pas à chaque tentation la grâce actuelle pour n'y point pécher, quelque péché que l'on commit, il ne pourrait jamais être imputé. Et les jansénistes disent au contraire que les péchés commis sans grâce actuelle ne manquent pas d'être imputés. Mais ce sont des rêveurs. J'entrevoyais ce qu'il voulait dire. Mais pour lui faire expliquer encore plus clairement, je lui dis « Mon père, ce mot de grâce actuelle me brouille. Je n'y suis pas accoutumé. Si vous aviez la bonté de me dire la même chose sans vous servir de ce terme, vous m'obligeriez infiniment. » « Oui, dit le père, c'est-à-dire que vous voulez que je substitue la définition à la place du défini. Cela ne change jamais le sens du discours, je le veux bien. Nous soutenons donc, comme un principe indubitable, ouvrez les guillemets, qu'une action ne peut être imputée à péché si Dieu ne nous donne, avant que de la commettre, la connaissance du mal qui y est et une inspiration qui nous excite à l'éviter. Fermez les guillemets. M'entendez-vous maintenant ?